Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, j'aimerais bien visiter la cathédrale d'Amiens. C'est où, Amiens? C'est au nord de Paris. C'est loin d'Arras? Non, ce n'est pas très loin. C'est à une cinquantaine de kilomètres au sud d'Arras. C'est à mi-chemin entre Lille et Paris.